Activité 6, page 95. Piste 73. A. Je mets des baskets rouges. B. C'est un pantalon noir. C. Il a un bonnet très joli. D. Elle met un pull jaune.